l'été. Le jeudi 18 août, il est 12h30. Voici vos informations à CKRL. Tout d'abord, nouvelle d'importance pour les usagers du transport en commun. C'est ce samedi qu'entre en fonction le nouveau métrobus 807 pour remplacer l'actuel parcours 7 qui fait la liaison entre Pointe-Sainte-Foy et le Vieux-Québec via le chemin Sainte-Foy et la rue Saint-Jean. Plus spacieux, plus confortable, ils sont climatisés notamment. Les nouveaux véhicules articulés seront progressivement ajoutés. Écoutons le président du RTC, Rémi Normand. Il s'agit d'une amélioration importante pour les clients de ce parcours qui était régulièrement surchargé en raison de sa popularité. Cette annonce a une saveur assez particulière puisque nous croyons avoir atteint aujourd'hui une étape importante où cet effort pour rendre le transport en commun plus confortable et attrayant rejoindra une plus large partie encore de nos clients. Le président du RTC qui parle d'un parcours très achalandé. Effectivement, l'807 sera, dès sa mise en service, le troisième parcours le plus couru du réseau. Appelé à commenter, le directeur général d'Accès Transport Viable, Étienne Grandmont, se réjouit de l'annonce, bien sûr, mais il souligne que du travail reste à faire pour adapter le parcours. C'est vraiment intéressant pour le confort des usagers. Puis, de toute façon, ça faisait longtemps que le 7, là, on avait besoin d'une augmentation de la capacité. On était dû pour passer à une technologie supérieure en termes de capacité d'achalandage. Là, il y a un enjeu. Le RTC l'a bien identifié. Là, il y a une deuxième phase, parce que là, on a des bus. Mais on ne peut pas dire encore que c'est un métrobus. C'est un bus articulé de grande capacité, mais un métrobus, ça vient avec aussi des mesures qui permettent d'accélérer la vitesse commerciale. Puis on le voit bien, là, sur le 800, 801, sur l'ensemble du parcours, il y a des voies réservées, il y a des feux prioritaires aux intersections. Donc, un ensemble de mesures qui permettent de faire accélérer la vitesse de déplacement de l'autobus. Et là, pour l'instant, on n'a pas ça encore sur le chemin Sainte-Foy, sur Saint-Jean. Allons au Brésil, aux Jeux de Rio, en kayak, Hugues Fournel et Ryan Cochrane de Lac-Beauport ont raté le podium ce matin. Le duo a terminé au 8e rang de la grande finale du K2 200 mètres, mais c'est tout de même un beau parcours pour ces Canadiens qui se sont rendus en finale et qui, il y a 3 semaines encore, ne devaient même pas participer à ces Jeux de 2016. Plongeons, les Québécoises Roselyne Filion et Megan Benfito se sont qualifiées ce matin pour la finale du 10 mètres. On va surveiller ça cet après-midi, tout comme la finale ce soir du 200 mètres avec le Canadien André DeGrasse et son désormais complice Usain Bolt. À Val-d'Or, enfin, sentiment d'indignation chez les leaders autochtones après l'annonce de Québec qui ne tiendra pas sa propre commission d'enquête au sujet de la violence faite aux femmes autochtones. Le gouvernement de Philippe Couillard qui se contentera de l'enquête fédérale annoncée récemment. Voilà pour CKRL, c'était les actualités. De retour à Midi Jazz.